Fait rire et de passer la nuit devant. inside. You're so heavenly. My love, my love, my love. Every moment with you makes my heart take flight. So bright. My love, my love, my love. I love you. I love you, baby. You're my light. I hold you close. Through the stars and through the night. Oh, my love. Oh, my love. With every touch, I feel the world fade away. I'm yours forever in every single way. You're my heaven, my heart, my shining star above. Every word you speak fills my soul with love. Your laughter is music, your smile a melody, so magical. Les cœurs légers. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Passé de 30 minutes, bien voici le retour de l'émission de l'accordéon. Et puis avant de débuter l'émission, et bien un petit bonjour à Antonio et puis à Jérôme qui ont fait l'émission de ce matin entre 8h jusqu'à 10h et puis entre 10h jusqu'à 12h30. Et bien vous allez les retrouver la semaine prochaine. Et pour nous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec la musique d'accordéon, avec le passo, le tango, la valse, et puis il y aura d'autres musiques que vous aimez. Et bien donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la valse, et puis juste après le tango, mais entre les deux, il y aura la valse bourrée. Sur Arc-en-Ciel. l'amour que l'on dit à 20 ans. Ces mots d'amour ont un charme tout blanc. Toujours aux couleurs du printemps, on croit toujours que l'amour nous attend et que la vie comporte plus de joie que de peine. Ces mots d'amour, on les dit à 20 ans. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et voici l'âge.

la marche.

endroit où tout est beau. La jolie fille en bikini sur le sable chaud. Juste un regard pour croire à l'amour, à la gloire sous le soleil. Allez hop, c'est parti. En un instant, vous laisserez place à vos envies. Un geste de folie, les valises sont remplies. Et même la chérie. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici donc la tarentelle. Partiront au grand galop dans la poulée de son grand homme. À quoi à gauche, à quoi à droite. quoi croire. Sur cette terre lointaine, dans son apparent, elle a mis réel. Sans s'en parler les dangers des grands canyons. À quoi gauche, à quoi droite. Les grands canyons ne font pas peur, on est protégé par Mr. Moore. À quoi gauche, à quoi droite. Nous partirons au grand canot dans la foulée de son grand homme. À quoi gauche, à quoi droite. Sur cette terre lointaine, dans son apparent, elle a mes réelles. Sans s'emparer des dangers, les grands canyons. À quoi gauche, à quoi droite. Les grands canyons ne font pas peur, on est protégé par Mr. Moore. À quoi gauche, à quoi droite. Nous partirons au grand galop dans la foulée de son grand homme. À quoi gauche, à quoi droite. Sur cette terre lointaine, dans son latin, on est l'américaine.

je ne t'oublie pas. Dans ton coin, mon de ciel, toi l'étoile emportée par le vent. Et pourtant c'est certain, elle est la plus belle. Cherche bien, tu vois, elle n'est pas loin. Petite étoile auvergnate, petite étoile secrète. C'est pas du gâteau, mais le week-end, pas question de bosser. On passe tous la nuit à danser. C'est sacré, quand on se mène, on s'est bien crevé. Au boulot, il faut se lever tôt. Tous les jours, c'est pas du gâteau. Mais le week-end, pas question de bosser. On passe tous la nuit à danser. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et retour avec l'accordéon portugais, puis juste après Boléro. E pra ti eu vou chegar, porque eu tiro o teu balanço.

Il est 15h40, voilà, l'émission bientôt touche à sa fin. J'espère que vous avez bien passé une bonne nuit avec, bien sûr, l'accordéon. Eh bien, on va se retrouver donc, eh bien, dimanche prochain. Et puis ainsi, on se retrouve mardi aussi, à partir de 30h jusqu'à 17h pour l'émission. Et puis voilà, donc, eh bien, j'ai hâte de passer une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis bon temps à vous toutes. La brise est parfumée du goût léger des orangers. Pour le joie de vivre et de chanter. Amour, castagnette et tambour. Olé, le temps d'aimer sonne pour nous au ciel des amoureux. L'ombre est complice et nous invite aux aveux caressants. Dans les soupirs et les frissons, l'amour mène le bal. Io te quiero, chérie, je t'aime. Kiss me, my love. Quel est ton nom et d'où tu viens? Ne me dis rien, ne pense à rien. Laisse mon cœur avec le tien. Amour, castagne tes mots. L'espoir qui brille dans mes yeux. Le doigt de lèvres avec la rose de leur sang. Infernal du désir international. Yo te quiero, chérie, je t'aime. Kiss me, Manuel. Quel est ton nom et d'où tu viens? Ne me dis rien, ne pense à rien. Laisse mon cœur avec le tien. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Desta forma que estamos a chegar ao fim de mais uma edição do Abraço da Madeira na RTP Antena Madeira e também na RTP Mundo. Como sempre lhe digo, seja feliz e faça alguém feliz. Já agora, porque não? Continuação de Boa Páscoa. Olha que coisa mais linda, e eu sei de onde é que ela vem. É lá da rua de cima. Também aqui para o Brasil, e eu estou muito satisfeito e contente em ter este contacto com a RDP Internacional via Ilha da Madeira. Para um sobrinho meu, está em dizer-te aqui um grande abraço do tamanho do mundo daqui da Madeira. Para todos aqueles amigos separados pelos cantos do mundo, um grande abraço. Sempre que é possível e sempre que eu estou disponível, que realmente muitos domingos estou trabalhando, não é? E eu gosto de entrar em contato com assuntos da Pátria Luz. Mando cumprimentos aos meus irmãos e à minha família e todas as madeiras espalhadas por todo o mundo. Acabamos indo com este sol maravilhoso que faz agora neste momento em Paris. Abraço da Madeira. Ligamos a Madeira ao mundo. São 3 horas, 2 nos Açores. Donald Trump espera um acordo com o Irão até amanhã, segunda-feira. Mesmo assim, o presidente norte-americano não baixa o tom das ameaças e diz que pode ficar com o petróleo iraniano caso não haja negociações de paz. Mais de 70 migrantes estão desaparecidos depois de um naufrágio no Mediterrâneo. Tinham saído da Líbia. Há pelo menos 3 mortos. São temas para desenvolver a seguir no Jornal das Três. A esta hora, no Porto, estão 22 graus, Lisboa e Faro com 25, Coimbra com 26, nas Ilhas, Ponta Delgada com 16 graus, no Funchal estão 21. Jornal das Três, a edição é de Oriana Barcelos. Donald Trump acredita que vai conseguir até amanhã um acordo com o Irão. Numa entrevista à Fox News, o presidente norte-americano diz que os iranianos estão a negociar, mas refere também o presidente norte-americano que pode ficar com o petróleo do país caso não haja negociações. Apesar da expectativa do acordo, o líder da Casa Branca não baixa o tom das ameaças. Donald Trump voltou a prometer fazer cair o inferno sobre o Irão na terça-feira, caso o regime não reabra o Estreito de Hormuz. Numa publicação nas redes sociais, Trump diz que terça-feira vai ser o dia da ponte e o dia da central elétrica, numa ameaça direta às estruturas que podem vir a ser atingidas dentro de 2 dias. O líder da Casa Branca garante que não haverá nada igual. Abram o raio do Estreito, seus sacanas loucos, aguardem para ver, louvado seja Alá. É a mensagem que o presidente dos Estados Unidos